يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours numéro 6 dans l'explication du livre de Cheikh Ubayd al-Jabiri حفظه الله تعالى qui s'intitule donc ça fonctionne dans le livre qui s'intitule شرح صحيح مقدمة من سنن الإمام ابن ماجة الذي هو بعنوان قطع اللجاجة قطع اللجاجة. Et donc ça c'est le cours 6 aujourd'hui qu'on va commencer dans l'introduction de ce livre. Et c'est les hadiths sahih, les hadiths authentiques qui ont été authentifiés par Cheikh Al-Albani dans l'introduction de l'imam Ibn Majah. Donc le premier chapitre, l'introduction de l'imam Ibn Majah, Muhammad, il s'appelle Muhammad Ibn Yazid, Ibn Majah Al-Qazwini. Son premier chapitre, c'est au sujet des bases de la sunna. Et donc le cheikh il explique maintenant, il dit: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله أن يصلين في المسجد فقال ابن له إنا لنمنعهن فقال فغضب شديدا وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول إنا لنمنعهن. قال الألباني قال الشيخ الألباني رحمه الله حديث صحيح. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه كان جالسا إلى جنبه ابن أخ له كان جالسا أنه كان جالسا إلى جنبه ابن أخ له فخذف فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكي عدوا وإنها تكسر السن وتقفأ العين. قال فعاد ابن أخيه يخذف فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ثم عدت تخذف لا أكلمك أبدا. قال الشيخ الألباني حديث صحيح. Donc ici le cheikh, l'imam Ibn Majah rahimahullah, il mentionne deux hadiths, et ce sont deux hadiths authentiques. Et ces deux hadiths, dans le premier, il est rapporté par le fils de Omar ibn al-Khattab, Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'empêchez pas les servantes d'Allah de prier à la mosquée. N'empêchez pas les servantes d'Allah de prier à la mosquée. Alors un de ses fils, un des fils d'Abdullah ibn Omar, a dit: Nous allons certes les empêcher d'y aller. Alors quand son fils a dit ça, il s'est mis en colère. Il s'est mis dans une grande colère et il a dit, je te mentionne le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, puis après toi tu dis nous allons certes les interdire, les empêcher. Donc il a réprimandé son fils de contredire la parole après avoir mentionné la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ensuite qu'il est rapporté selon Abdullah ibn Mughaffal radiyallahu anhu qu'il était assis et qu'un de ses neveux était assis à côté de lui. Alors il lui a dit, il l'a vu en train de faire avec ses doigts, comme s'il envoie des pierres avec ses doigts ou des cailloux, il les projette avec deux de ses doigts. Il la met entre son ongle et son pouce, et puis pichenote. Ici on dit, ici au Québec on dit pichenote, et on peut dire également pichenette. Et le mot, je crois, qui serait le plus approprié, c'est la chicnaude. Une chicnaude. Donc tout ça, ça exprime un peu qu'est-ce que signifie al-khadf. Et donc c'est ça. Il était assis, Abdullah ibn Mughaffal radiallahu anhu, il était assis, et à côté de lui il y avait son neveu, ou un neveu à lui, et il faisait des chicnaudes. Il envoyait des cailloux en faisant des chicnaudes. Alors il lui a interdit de faire cela, et il a dit que certes le messager d'Allah l'a interdit. Alors il lui a dit en expliquant que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, cela ne permet pas de chasser, de faire la chasse, c'est-à-dire de tuer un animal, et ça ne fait pas non plus de tort à l'ennemi, mais par contre cependant ça casse ça peut casser une dent et ça peut crever un œil. Alors son neveu a continué de le faire. Il a continué à faire des chicnaudes encore, malgré la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il lui a dit, je te mentionne la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui interdit de le faire, et toi tu recommences à le faire encore une fois. Il dit, je ne te parlerai plus jamais. Donc on voit dans ces deux hadiths une leçon importante. Et le Cheikh Ubayd hafizahullah, il dit, الخذف يقال الحذف وأظنه يراد به طريقة عند البوادي لا أدري أتستعمل في الحواضر أم لا. تلك الطريقة وضع حجر في حجم حبة الحمص أو أكبر قليلا بين السبابتين ومن اليدين هكذا وتوضع هكذا ثم يضغط عليها ضغطة فتنطلق كأنها سهم وهذه خطيرة. ومن فوائد الحديثين الفائدة الأولى منقبة لكلا الصحابيين ابن عمر وابن مغفل رضي الله عنهما إذ كانا شديدين على قريبيهما حين أظهرا مخالفة السنة. Donc on va traduire jusqu'ici. Le cheikh il a expliqué en fait la définition, qu'est-ce que ça peut être al-khadf. Il a dit on peut dire aussi al-hadf. Et il dit, je pense que c'est une façon, une chose qui, une méthode ou une façon qui est faite ou qui est employée plus chez les bédouins. Il dit, je ne sais pas si elle est employée chez les habitants des villes ou non, mais cette façon, c'est de mettre un caillou ou une pierre dans un caillou dans les doigts, et puis de l'envoyer, un caillou de la grosseur d'un pois chiche, et de l'envoyer comme ça, de l'envoyer entre deux doigts, yani, de manière forte, et avec la, yani, la, avec la tension ou la pression quand on tire, ça part comme une flèche, hein, et c'est très dangereux. Et le cheikh, il dit que le point qu'on peut tirer de ces deux hadiths, donc le premier à propos de l'interdiction de laisser les, la permission ou le fait de ne pas interdire aux femmes d'aller dans les mosquées, et l'autre le fait de ne pas faire des chiknaudes, eh bien le cheikh a dit qu'est-ce qu'on peut tirer de ces deux hadiths là, c'est que premièrement il y a le niveau ou le respect et les éloges qu'on peut faire de deux d'entre les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam. On voit ici parmi leurs grandes qualités du fait que ces deux compagnons, Abdullah ibn Omar et ibn Mughaffal, Abdullah ibn Mughaffal, les deux radiyallahu anhuma ont agi de manière sévère envers envers chacun de leurs proches, hein, de leurs proches, quelqu'un qui était proche d'eux dans leur famille. Le premier, Abdullah ibn Omar, c'était son fils, et l'autre c'était son neveu, hein, lorsqu'ils ont montré une contradiction à la sunna. Et le cheikh il dit donc cette signification elle est, hein, on la retrouve dans les deux hadiths, hein, c'est une signification qui est correcte dans les deux hadith. وعلى هذا مشى الصحابة وتبعهم على ذلك التابعون ثم من بعدهم يردون الخطأ على من صدر منه وإن لم يكن بدعة ويشددون النكير والتغليظ على من ظهرت منه مخالفة السنة. Donc le cheikh il dit donc que c'est la voie sur laquelle les sahaba et ceux qui les ont suivis ont marché, c'est-à-dire les tabi'oun, les élèves des sahaba, puis ceux qui les ont suivis, et ils réfutaient toute erreur qui se produisait de leur part, même si ce n'était pas une bid'ah. Et ils condamnaient de façon sévère, hein, et de façon de façon sévère et de façon stricte la personne qui contredisait, hein, ou la personne de qui on pouvait voir une contradiction à la sunna. Wa aslu al-hadithayn fi as-sahihayn. Là, à la base, ces deux hadiths-là, on les retrouve dans As-Sahihayn, c'est-à-dire dans Al-Bukhari et Muslim. وَانْفَرَدَ حَدِيثُ ابْنُ عُمَرْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِنَهْيِ الرَّجُلِ عَنْ مَنْعِ زَوْجِهِ وَأَوْ مَوْلِيَتِهِ إِذَا اسْتَأْذَنَتْهُ فِي الذَّهَابِ إِلَى الْمَسْجِدِ وَلَا يَحِقُّ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا نعم إذا ترتبت مفسدة أكبر من هذا بأن يتيقن أن في الطريق فسقة فجرة يؤذون المؤمنات له أن يمنعها أو إذا عرف من حالها أنها مهملة مغفلة يمكن أن يضحك عليها وتضيع الوقت فتضيع مصالح وتنجر مفاسد فله أن يمنعها. Donc ici le cheikh il explique que à la base, comme on a dit, le hadith il se retrouve dans les deux sahih, sahih al-Bukhari et sahih Muslim, et le hadith de Ibn Omar, il mentionne l'interdiction pour un homme d'empêcher sa femme ou d'empêcher une femme qui est sous sa responsabilité et sa tutelle, lorsqu'elle demande la permission d'aller à la mosquée, de lui interdire ou de lui empêcher d'y aller. Il n'a pas le droit de lui empêcher d'aller à la mosquée, excepté si cela risque d'amener des méfaits plus grands que ça. Donc, il dit, mais si, par exemple, il donne des exemples. Par contre, si par exemple, sur le chemin, il est certain qu'il y a des gens pervers, hein, des gens pervers qui risquent de lui faire du tort et de l'ennuyer sur le chemin, alors il a le droit dans ce cas-là de lui empêcher de sortir pour aller à la mosquée. Et s'il sait également de cette femme que c'est une femme qui est insouciante et qui est négligente et qu'on peut facilement facilement on peut la tromper ou se moquer d'elle ou des choses comme ça, et qu'elle va perdre du temps ou qu'elle va gaspiller les choses qui sont importantes ou qui sont plus bénéfiques, et que ça va ramener du mal de la laisser partir, alors dans ce cas-là, il a le droit de l'empêcher de partir. Il dit wa amma idha kanat ma'muna 'aqila دينة نعم عاقلة دينة فلا يمنعها من شهود الصلاة جماعة ويلحق بها ويلحق بها كذلك حلق العلم التي تعقد في المساجد فتصلي وتحضر حلقة العلم. Donc le cheikh il dit que par contre si c'est une femme qui, si cette femme elle est bien préservée, protégée, elle est intelligente et elle est religieuse, hein, alors dans ce cas-là il n'y a pas de raison de l'empêcher de participer et d'assister à la prière en groupe et de se joindre à des cercles d'études de sciences dans les mosquées, hein, et de prier dans les mosquées et d'assister à ces cours, d'assister à des cours et des cercles de sciences islamiques dans les mosquées. Le cheikh dit ensuite « Wa hadith ibn Mughaffal » رضي الله عنه نهى عن الحذف والخذف وبين العلة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكي عدوا وإنها تكسر السن وتقفأ العين إذن هي فيها ضرر وهذا تنبيه إلى أنه لا يجوز التدرب عليها أبدا لما فيها من الضرر. Donc le cheikh il dit que le hadith de Ibn al-Mughaffal radiyallahu anhu qui interdit al-khadf, c'est une des raisons pour laquelle cet acte a été interdit, la chiknode. C'est à cause du fait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans le hadith que ça ne permet pas à quelqu'un de faire la chasse et ça ne permet pas non plus de frapper un ennemi parce que c'est pas assez fort, mais par contre ça peut casser une dent et ça peut crever un œil. Et donc le cheikh dit, c'est donc on voit que le mal de faire ce genre de pratique, de faire ce genre de chiknaud, c'est quelque chose qui peut ramener du tort et duquel découle, hein, du mal. Et donc il dit le cheikh que c'est donc en même temps un avertissement qu'il n'est pas permis de se pratiquer à ce genre d'activité à cause du mal qu'il y a dedans. Et il dit فَالْحَدِيثَانِ إِذَا إِذَنْ يَتَضَمِّنَانِ النص الصريح في وجوب التمسك بالسنة واتباعها مع التغليظ على من أظهر المخالفة. وتظهر اليوم بدع كبيرة ومخالفات عظيمة ويقال المصلحة تقتضي المهادنة والسياسة والمسايسة. Donc le cheikh il dit, les deux hadiths comprennent donc des textes explicites sur l'obligation de s'accrocher à la sunna et de la suivre, et avec cela également la sévérité et la dureté envers celui qui a laissé paraître et qui a montré une contradiction vis-à-vis de la sunna. Et on voit aujourd'hui apparaître toutes sortes d'innovations qui sont très graves et des contradictions à la sunna qui sont très grandes. Et malgré ça, on dit et on entend de la part de certains, hein, mais yani, l'intérêt implique qu'il faut faire des compromis, il faut agir de manière diplomate et ainsi de suite. Il ne faut pas être dur, il ne faut pas condamner et ainsi de suite, comme certains le font. Et le cheikh il dit وَلِمَاذَ هَذَا الْأُسْلُوبَ الْغَلِيظِ. Il dit pourquoi utiliser cette méthode sévère et dure. يَا سُبْحَانَ اللَّهِ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ السَّلَفَ الصَّالِحِ. Donc, quand ils disent, mais pourquoi utiliser cette dureté? Pourquoi utiliser cette sévérité? Ils disent, Subhanallah, est-ce que vous savez plus que Allah? Est-ce que c'est vous qui savez plus ou Allah? Est-ce que c'est vous qui savez plus ou le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que c'est vous qui savez plus ou bien les salaf al-salih? Et le cheikh dit, la wa al-fula. البدعة لا تقبل أبدا وهؤلاء المخالفون من حركيين ومن أساطين الثورة الفكرية على السنة وأهلها يصورون للناس إنكار السنة عليهم إنكار أهل السنة عليهم بدعهم ومحدثاتهم بأنه سب وشتم. لا أهل السنة ليسوا كذلك ولله الحمد أهل السنة يقولون هذا خطأ هذا خلاف الدليل حرام عليك يا فلان. ولكن هؤلاء يريدون أن يسكت عنهم كل إنسان على ما هو عليه ولا يرد على أحد أبدا وهذا لا يقبله أهل السنة لأنه مخالفة صريحة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. Donc le cheikh il dit, est-ce que vous savez plus que Allah? Est-ce que c'est vous qui savez plus ou Allah? Est-ce que c'est vous qui savez plus ou les messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que c'est vous qui savez plus ou les salaf? La dureté, est-ce que vous pensez que c'est pas bon et vous réalisez pas, vous réalisez pas que ça c'est qu'est-ce que Allah a ordonné, qu'est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné? Qu'est-ce que les salafs ont fait? Et vous pensez que vous savez mieux qu'eux? Et le cheikh dit, non, et mille fois non. La bid'a ne doit jamais être acceptée. Et ceux-là qui ont contredit parmi les gens qui font partie des activistes, ou les gens qui font partie des différents mouvements de bid'a, et qui font partie de la révolution idéologique qui essaient de combattre la sunna et les gens de la sunna et faire voir aux gens ou croire aux gens plutôt que les condamnations des gens de la sunna contre eux, hein, lorsqu'on condamne leurs innovations et les choses qu'ils inventent dans la religion, que ça c'est des insultes, hein, que ça c'est de l'insulte et que c'est des injures. Et il dit non, les gens de la sunna ne sont pas comme ça, hein. C'est pas des insultes, c'est pas dans le but de les insulter ou de les injurer, de leur faire des injures ou des choses de ce genre. Il dit, par la grâce d'Allah et par la louange d'Allah, les gens de la sunna disent plutôt, ceci est une erreur, ceci est contraire à la preuve, ceci est haram pour toi de faire cela. Mais ces gens-là veulent uniquement faire taire les gens de la sunna. Et ils veulent que on se taise, hein, vis-à-vis de toute personne, hein, et qu'on ne critique pas ce qu'il suit, hein, qu'on ne critique jamais ce qu'il fait et ce qu'il suit. Et donc ça c'est quelque chose que les gens de la sunna ne peuvent pas accepter, parce que c'est quelque chose qui est en contradiction claire et directe, hein, avec le livre d'Allah et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que le consensus des salaf al-salih parmi les sahaba et ceux qui les ont suivis. Donc ça c'est ce qui complète l'explication de ces deux hadiths que le cheikh nous a donné. Le cheikh continue maintenant, il cite un autre hadith et on va le lire ensemble. C'est un hadith qui est rapporté selon, on va le lire en arabe, An Ishaq ibn Qubaysa ou Qabisa. إسحاق بن قبيصة عن أبيه عن أن عبادة بن الصامت الأنصاري النقيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه غزا مع معاوية رضي الله عنه أرض الروم فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير كسر الذهب بالدنانير وكسر الفضة بالدراهم فقال يا أيها الناس إنكم تأكلون الربا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبتاع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا زيادة بينهما ولا نظرة فقال له معاوية يا أبا الوليد لا أرى الربا في هذا إلا ما كان من نظرة فقال عباد أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن رأيك لئن أخرجني الله لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمرة فلما قفل لحق بالمدينة فقال له عمر بن الخطاب ما أقدمك يا أبا الوليد فقص عليه القصة وما قال من مساكنته فقال ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك قبح الله أرضا لست فيها وأمثالك وكتب إلى معاوية لا امرأة لك عليه واحمل الناس على ما قال فإنه هو الأمر وقال الشيخ الألباني صحيح حديث صحيح. Donc ici c'est un hadith qui est rapporté selon Ishaq ibn Qabisa selon son père, que Ubadat ibn Samit, radiyallahu anhu, Al-Ansari, le compagnon du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a combattu avec Muawiyah, radiallahu anhu, la terre des Romains, dans la terre des Romains. Et il a vu les gens commencer à faire du commerce avec des pièces d'or, hein, par des dananir, et des pièces d'argent par des darahim. Et les gens, ils faisaient un genre d'échange entre ces pièces. Ils faisaient des genres de pièces, des échanges pour de l'or par des dinars et de l'argent par des dananir. Et donc, il a dit aux gens, « Oh, vous les gens, vous mangez du riba. » J'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui disait, « Ne vendez pas de l'or par de l'or, ni excepté pour une même équivalence, égal à égal, et sans qu'il y ait de délai, sans qu'il y ait de surplus entre les deux, ni de délai. » Dans la vente. Alors, yani, parce que en fait, les dananir, c'est de l'or, et ad-darahim, c'est de l'argent. Donc, on peut pas échanger de l'or par de l'or, excepté si c'est pareil. Mais s'il y a une différence de valeur entre les deux ou de différence entre les deux, donc on peut pas. Et si il y a un écart de temps entre la vente et le fait de payer, aussi également c'est pas permis. Et donc ici Muawiyah, فقال له معاوية, oui c'est ça. Donc le compagnon Ubadah ibn Samit, sa kunya c'est Abul Walid. Donc il dit ici que Ubadah ibn Samit, il a mentionné le hadith, ne vendez pas de l'or par de l'or, ni de l'argent par de l'argent, excepté ne vendez pas de l'or par de l'or, excepté si c'est pareil, égal à égal, sans qu'il y ait de surplus entre les deux, ni de délai ou d'attente. Et Muawiyah lui a dit, « Oh Abul Walid, je ne vois pas le riba dans ça. » Parce qu'il leur a dit, « Vous consommez le riba, vous consommez de l'intérêt en faisant ça. » Il dit, « Je ne vois pas où est l'intérêt dans ça, excepté dans le fait qu'il y a un délai. » S'il y a un délai dans ce cas-là, oui. Mais sinon, je vois pas le riba là-dedans. Alors, Ubadah, il lui a dit, je te mentionne le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et toi, tu me dis ton opinion personnelle. Il dit, si Allah me fait sortir d'ici, je ne vais jamais habiter sur une terre dans laquelle tu as une gouvernance. Alors, quand il a pris une caravane, il est parti avec une caravane, il est parti rejoindre la ville de Médine. Et une fois arrivé là-bas, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il lui a posé la question, « Qu'est-ce qui t'a ramené ici, ô Abul Walid ?» Alors, il lui a raconté l'histoire. Alors, il a dit, oui, c'est ça. Donc, il lui a raconté l'histoire et il lui a expliqué qu'il ne voulait plus habiter dans la région de Hacham, là où était Muawiyah. Et il lui a expliqué pourquoi. Alors, Omar ibn al-Khattab, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, retourne, ô Abul Walid, sur ta terre. Et que Allah maudisse une terre sur laquelle tu n'es pas présent, toi, ou tes semblables. Que Allah maudisse une terre sur laquelle tu n'es pas présent, toi, et tes semblables. Et il a écrit une lettre adressée à Muawiyah, dans laquelle il dit, Omar ibn al-Khattab, il dit à son représentant, Muawiyah, radiallahu anhu, tu n'as pas d'autorité sur lui. Et impose aux gens de faire comme il a dit par rapport au riba, hein, parce que c'est ça qu'il, c'est ça le commandement et c'est ça qu'il doit faire. Donc dans ce hadith, le Cheikh Ubaid il explique, il dit هذا الحديث هو في سياق ما أخرجه الإمام ابن ماجة في باب تعظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عرضه يتضمن فوائد. Donc le Cheikh il dit ce hadith il est dans le contexte du chapitre du premier sous-chapitre dans cette introduction de l'imam Ibn Majah, et c'est le chapitre ou le sous-chapitre qui s'intitule le respect, hein, le respect de du hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et yani la gravité, hein, de l'attitude de celui qui s'y oppose, hein, qui s'objecte à la sunna. Et il dit que ce hadith-là, il comprend plusieurs points bénéfiques. Et donc, il va mentionner plusieurs points bénéfiques. Et parmi ces points bénéfiques-là, on va les lire, il y en a plusieurs, il y en a à peu près 9. Donc, il dit le Cheikh Al-Fa'idatul Oula. منقبة من مناقب أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه إذا أنكر على الناس صنيعهم في هذا التبايع وأبان سبب إنكاره أنه من الربا مع أن الناس في أرض حربية ولم ينظر إلى شيء غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم والصدع بها. Donc le cheikh il explique le point premier, hein, premier point qu'on peut tirer comme point bénéfique par rapport à ce hadith, c'est que on voit les belles qualités de ce compagnon Abu al-Walid Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu, puisque ici on voit qu'il a condamné aux gens et il a réprimandé les gens pour ce qu'ils faisaient dans leur commerce. Hein, et la raison pour laquelle il les a critiqués dans qu'est-ce qu'ils faisaient comme commerce, c'est à cause de yani du riba. Hein, c'est à cause du riba qu'ils faisaient. Et il dit que malgré que les gens étaient dans une terre dans laquelle ils étaient en train de faire la guerre, ils étaient en guerre contre les gens de ce pays-là. Et malgré qu'ils étaient en guerre, eh bien, il n'a pas pris l'excuse de dire « Ah, mais on est dans une terre des koufars et hein, on est en train de faire la guerre contre eux, donc on ne va pas regarder les détails de ces questions-là. » Non, hein, il n'a pas pensé de cette façon-là. Il a compris que, peu importe hein, l'endroit où on est, s'il y a quelque chose qui se fait qui est en contradiction avec la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, eh bien il faut parler et il faut la clarifier. Alors c'est ce qu'il a fait radiyallahu anhu. Et donc ça montre hein, les belles qualités de ce compagnon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le shaykh il dit al-fa'idatu thaniya tahrimu riba al-fadl wal-nasi'a. Fal-nasi'a أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا نذر وهذا يسمى الصرف وعلى سبيل المثال عندنا لو اشتريت دولارات أمريكية بريالات سعودية أو دراهم إماراتية أو دنانير ليبية يجب عليك أن تقبض ويقبض منك في الحال وتقبض الدولارات الأمريكية فورا وتعطيه نقودك فورا فإن خالفت ذلك وقعت في ربا النسيئة وربا الفضل هو الزيادة على المتماثلين فلو قال قائل دنانيرنا الليبية جديدة ودنانيرك قديمة لا يأخذ لا يا أخي نعم لا يا أخي هي 10 دنانير من عندك تساوي 7 دنانير من عندي أنا وهذا ربا الفضل. نعم donc le cheikh il explique, il dit le deuxième point qu'on peut tirer de ce hadith c'est que les deux formes de riba qui sont mentionnées dans la sunna, les deux c'est riba al-nasi'a et riba al-fadl, et que les deux sont interdites. Riba al-nasi'a c'est le riba de la jahiliya, le riba qui est connu, le riba sur les prêts, hein. Et riba al-fadl c'est le riba quand il y a une différence entre deux choses qui sont équivalentes, hein, ou qui sont pareilles, et qu'il y a une différence entre les deux. On fait une différence entre les deux, alors dans ce cas-là, c'est du riba. Et je vais, inshallah, mentionner les preuves à ce sujet-là, et je veux mentionner un petit peu d'explication aussi à ce sujet-là pour que ce soit plus clair. Donc, par rapport à qu'est-ce que ici le cheikh il a mentionné comme point bénéfique ici, premièrement c'est que il a expliqué que riba al-nasi'a, qu'est-ce que ça signifie, c'est c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué ici quand il a mentionné qu'il ne doit pas y avoir de délai de temps entre le fait de prendre la marchandise et de donner l'argent dans cette transaction-là ici. Et il a dit, comme par exemple, voilà Nazira. Ici, il dit, il ne doit pas y avoir de délai. Et il donne l'exemple, il dit, ça c'est ce qu'on appelle as-sarf, quand on fait des échanges de monnaie, hein, conversion d'argent d'une monnaie à une autre. Il dit que par exemple, si tu veux acheter des dollars américains, hein, pour des riyals saoudiens, ou bien des dirhams émiratiens, ou bien des dinars libyens, tu veux faire des conversions ou tu veux faire des échanges, hein, tu veux faire des échanges de monnaie, il faut que tu prennes l'argent sur le champ. Hein, si tu fais l'échange de dollars américains, tu dois faire l'échange dans ta monnaie sur le champ. Tu ne dois pas attendre. Sinon, ça va être une forme de riba. Comme par exemple, tu dis à quelqu'un, je veux acheter par exemple des dollars américains avec des riyals. Donc, tu donnes l'argent, puis tu dis, Je vais revenir le chercher plus tard, ou bien l'autre il dit je vais te les donner plus tard parce que là maintenant je l'ai pas, mais donne-moi l'argent, je vais te le donner demain. Ça c'est pas correct. Tu donnes l'argent, il doit te donner l'argent tout de suite. Il doit y avoir l'échange sur le champ. Et en ce qui concerne l'autre exemple de riba al-fadl, c'est quand deux choses sont pareilles parmi les choses que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans les hadiths, hein, comme par exemple l'or, hein, l'argent, et par exemple qu'est-ce qu'il a mentionné aussi dans ça, il a mentionné aussi le blé, ou bien différentes choses qu'il a citées. الشعير بالشعير والبر بالبر. Donc si par exemple tu vas acheter ces choses là comme par exemple de l'or, je donne un exemple avec de l'or, tu vas acheter de l'or qui est vieux, avec de l'or qui est vieux tu vas acheter de l'or qui est neuf. Donc tu arrives avec ton or qui est vieux, puis tu vas aller voir le vendeur de l'or et tu dis bon, moi ici j'ai par exemple 200 grammes d'or vieux, et avec ces 200 grammes d'or vieux, je vais acheter 150 grammes d'or nouveau. Ben ici, il y a une différence entre les deux. Donc ça, c'est pas permis. Il faut que ce soit la même valeur et la même quantité. Sinon, ça, c'est pas permis de faire l'échange ou de faire le troc. Tu peux pas échanger deux matières pareilles, comme de l'or ou de l'argent, du vieux et du neuf, et puis après tu fais une différence entre les deux. Ça, ça rentre dans le riba aussi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à ça, il a enseigné aux sahaba quoi faire. Il a dit, par exemple, avec des vieilles dates, tu vas avoir des dates fraîches ou qui sont plus nouvelles, tu vas prendre tes vieilles dates, tu vas les vendre. Avec qu'est-ce que tu vas gagner du prix de ces dates, tu vas acheter avec, pour la quantité, tu vas acheter des dates neuves, ou des dates nouvelles. Donc c'est comme ça que tu dois procéder. Mais tu peux pas faire l'échange ou le troc directement de ces deux choses, l'une contre l'autre. D'accord? Donc sinon ça rentre dans le riba. Et certains ulama, ils mentionnent que c'est uniquement pour ces catégories qui sont mentionnées dans le hadith. Ces catégories qui sont mentionnées dans le hadith, que c'est interdit. Mais si c'est des échanges que tu fais par rapport à d'autres choses que les choses mentionnées dans le hadith, alors dans ce cas-là, c'est pas interdit. والله تعالى اعلم. Donc ici le cheikh il dit ensuite, il donne l'exemple lui de celui qui veut échanger des dinars libyens, comme par exemple il dit, il veut échanger les dinars qui sont neufs par des dinars qui sont vieux, il dit non, tu peux pas faire ça. Tu peux pas dire, par exemple, je te donne 10 dinars qui sont vieux en échange de 7 dinars qui sont nouveaux, par exemple. Tu peux pas faire ça. Il faut que ce soit équivalent. Il faut que ce soit le même nombre, et sinon c'est la même quantité pour la même valeur, sinon c'est riba. Donc il dit, إذن يجب عليك في هذه الحال الأمران الأمر الأول المساواة الأمر الثاني القبض في المجلس. Donc il dit, il y a deux choses qui sont obligatoires pour toi dans ces cas-là. La première, c'est il faut qu'il y ait l'équivalence entre les deux, matières, l'or nouveau et l'or, l'or et l'or doit être égal, ça doit être les deux le même or. Comme l'or nouveau contre de l'or nouveau, l'or ancien contre de l'or ancien, ça c'est correct. Et la même quantité pour la même quantité, ça c'est correct. Et il dit, والأمر الثاني القبض في المجلس. Il faut que l'échange soit fait sur place et directement, main à main, comme c'est mentionné dans certains hadiths, yadan biyad. Il faut pas qu'il y ait un délai entre les deux. Comme si par exemple toi tu prends ce qu'il te donne, puis tu dis, l'autre il dit, moi je te le donne demain. Non, c'est pas correct, il faut qu'il le donne sur place. Il dit, fasiyaqul qissa yadullu ala anna al-dhahab wal-fidda idha kana al-shakhsan yatabaya'ana bi jinsin wahid fiddatan bi fidda wa dhahaban bi dhahab wajaba alayhima amran al-amru al-awwal al-tamathul wal-amru al-thani al-qabdu fi al-majlis. Donc c'est ça. Si les deux ils vendaient, par exemple, ils vendaient de l'or, contre des pièces. Il y a des pièces qui sont frappées, un dessin dessus ou quelque chose. Les pièces ont été frappées. Et ils échangent ça contre de l'or, des dinars, des dinars contre de l'or, des morceaux d'or ou bien des choses en or. Et la même chose pour l'argent aussi, les darahim, des pièces frappées contre de l'argent qui n'a pas été frappé. Donc il faut que ce soit pareil, il ne faut pas qu'il y ait des différences entre les deux. Et il faut que l'échange soit fait sur place, il ne faut pas qu'il y ait de délai. Il dit, وعلى سبيل المثال لو أن مسلمة نزلت إلى السوق وجاءت عند سائق وأرادت أن تبدل حليها فإنها لا يجوز لها أن تقول خذ هذا الخاتم أو السوار واعطيني هذه بكذا فإنه لا يجوز لها ذلك ويجب أن توزن الطريحتان وطريحة هذه المرأة والطريحة التي تريد أن تشتريها ثم يجبر النقص بقيمته نقدا وأنا أقول النساء لأن الغالب في شراء الذهب أن يكون من النساء وإلا فالحكم مشترك بين الرجال والنساء ومثال النسيئة أن يشتري من الصائغ ذهب بقيمة مؤجلة كلها أو بعضها أو مقسطة فكذلك كله محرم. Donc le cheikh il dit que c'est comme si une femme qui va aller dans un marché, dans un magasin de d'or, hein, bijoutier, quelque chose comme ça, elle veut échanger ses bijoux. Donc elle dit au marchand, prends prends cette bague, prends ce collier ou ce bracelet, prends cette bague et ce bracelet et donne-moi en échange ce bijou ou cette chaîne ou quelque chose d'autre. Le cheikh il dit, elle n'a pas le droit de faire ça. Il faut premièrement qu'elle fasse peser les deux, le bracelet et la bague, qu'elle les pèse sur la balance, tous les deux, et qu'elle, par la suite, prenne quelque chose. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'elle prenne quelque chose par rapport à la valeur équivalente. Ou bien s'il y a une différence dans la valeur, elle va donner la différence en argent. Hein? Soit que ses bijoux sont moins chers que ce qu'elle veut, alors elle donne la différence en argent. Ou soit que les bijoux qu'elle possède soient plus chers que qu'est-ce qu'elle veut, alors dans ce cas-là, le vendeur va lui donner la différence en argent. Et il dit, je dis la femme parce que la raison pour laquelle je spécifie une femme, c'est parce que c'est elle en général qui vont acheter de l'or, mais sinon le verdict est général et c'est la même chose pour les hommes et pour les femmes. Il dit c'est la même chose aussi en ce qui concerne le verdict pour le riba qui est relié par rapport au délai dans le temps, hein. Riba nasi'a, il dit que quelqu'un, par exemple, il va acheter d'un bijoutier de l'or et il l'achète par exemple en disant je vais te payer plus tard, ou bien je vais te donner une partie du montant, je vais te payer le reste après, ou bien je vais te payer par paiement différé ou quoi. Tout ça c'est interdit. Tu peux pas acheter de l'or de cette façon. Tu dois payer soit tout sur le champ. Tu dois donner l'argent direct. Il doit y avoir l'échange, sur place. Ça peut pas être plus tard. Il peut pas y avoir de délai entre le fait de prendre la marchandise et payer plus tard. Il dit wa mawqifu Abi al-Walid Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu min al-riba. والمتعاملين به في القصة يدل على شدة تعظيمه السنة وعلى شدة تعظيمه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. Donc il dit, on voit ici que la position de Abu al-Walid Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu à propos du riba et ceux qui font le riba, ça nous montre dans cette histoire à quel point il était sévère, qu'il était strict, hein, et qu'il avait un grand respect dans la sunna, et à quel point il respectait le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, on continuera l'explication au prochain cours, inshallah, la suite de ces points au sujet du hadith de Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.